Les premiers pas, main dans la main, les mots tout bas dans les chemins creux de terrain. Puis la vie qui donne la vie, par le ventre arrondi, ton cœur et mon cœur ébloui. Par Marguerite, par la Margot, la reine, la fleur, la pépite. La lune pleine est là sur son premier sommeil. Sentinelle céleste sans guérite, veille à l'infini sur la petite. Et toi, soleil, le cœur du ciel, donne tout l'or de ton miel à Marguerite, à la Margot, la reine, la fleur, la pépite. Comme une mer enfuie, si toute mémoire un jour me trahit, que reste au moins en moi ton premier cri. Ô Marguerite, ô la Margot, la reine, la fleur, la pépite.